Manchester. En assistant à l'émission, vous pourriez repartir avec de beaux prix de présence. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on va commencer avec une nouveauté italienne, un groupe qui a pour nom Phoenix Again. C'est le cinquième album de ce groupe. Un groupe qui a été formé en 1981 sous le nom de Phoenix par les frères Lorenzi. Trois frères, c'est pas courant dans un groupe. Et le groupe s'est dissous en 1998. Et s'est reformé en 2010 suite au décès d'un des frères. Donc, c'est ce qui a motivé le groupe à récupérer des pièces et à repartir sur de nouvelles bases. Et on en est rendu maintenant au cinquième album et il y a quatre Lorenzi au sein du groupe. J'imagine que c'est tous de la même famille. Un disque en bonne partie instrumentale, en fait, il y a seulement une pièce chantée. Et puis on aura aussi un retour pour For Absent Friends, un groupe néerlandais qui est formé au début des années, à la fin des années 80 et premier album début des années 90, c'est Both Worlds, paru en 91. Et cette fois-ci, c'est 16 ans après Square One, paru en 2006, donc 16 ans après cet album, une nouveauté qui a pour titre Disappear. Et après cela, Marc, je pense qu'on fait un arrêt du côté de la Suède. Oui, c'est la formation Anima Morte qui font une musique cinématique d'horreur. Et c'est leur quatrième album intitulé Serpents in the Field of Sleep. C'est notre second extrait à l'émission. La pièce Pathogenesis. Et ce sera suivi de la formation Symbolic Encounters qui est menée par le multi-instrumentiste Mark Murdoch. Ils sont du Japon et c'est leur nouvel album Overexposure. On aura la pièce titre, mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, une nouveauté d'Italie, Phoenix Again. We'll be right back. down the hall, these muffled voices calling someone. Where's a telephone when you need one? The place, it looks familiar, but something crucial's missing here. This unexpected mist that's moving in makes me disappear. Family go. I've got to let my parents know. Someone should be calling 911. Let's see you electricity sent them into a rage. An unconvincing attempt at disconcerting events. With a degree of center, septembre au 17 octobre, Québec Musique Parallèle reprend la route. L'événement ambulant de musique exploratoire et d'art sonore vous donne rendez-vous à travers 16 villes et villages le long du Saint-Laurent et au-delà. Avec la harpiste bionique Alex Tibitz, les massages sonores de Pascal Battu, Anne-Françoise Jacques, Jean-François Blouin, le guitariste punk britannique Andy Moore et plusieurs autres, QMP réaffirme son parti pris pour le décloisonnement sonore et musical. QMP est une initiative du Quatuor Bozzini, Tour de Bras, avec leur complice Avatar et E27 Musique Nouvelle. Programmation complète sur facebook.com Québec Musique Parallèle. Du 13 au 23 octobre, le Festival Québec en toutes lettres vous convie à un festin de découvertes. Cabaret littéraire, banquet surréaliste, performances, rencontres d'autrices et d'auteurs, installations dans la ville, spectacle de la caravane dans des parcs. Laissez-vous surprendre. Ceci n'est pas une pub. Ceci n'est pas une pub. Ceci n'est pas une pub. Un texte de Marisol Drouin, lu par Annabelle Pelletier-Legros, dans une conception sonore de Mathieu Campagna. Une production de l'ICQ, Québec en toutes lettres. La nuit longue, ces fées et leurs manigances. De toute façon, qui mérite encore une histoire d'amour, que je me suis dit. On se dit bien des choses avant le jeu de lumière, la sueur et les pulsations. Au final, prendre tous les risques. Danser avec toi jusqu'à la même respiration. Jusqu'à ne plus savoir où cela commence, où cela se termine. Jusqu'à tout prendre, des métamorphoses et du dévoiement sur le dance floor. Encore peut-être, oui, sommes-nous magnifiques. Ceci n'est pas une pub, une production LICQ, Québec en toutes lettres. Pour bien débuter vos week-ends, rien de mieux qu'une bonne dose de groove grave qui plombe comme des bombes. L'équipe de Messieurs Dynamite vous attend tous les vendredis de 18h à 20h. Du funk, de la soul, de l'afrobeat, c'est Messieurs Dynamite. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. De retour à Terra Incognita, on va amorcer cette nouvelle demi-heure avec Galahad de leur 11e album studio The Last Great Adventurer. Et c'est le second extrait qu'on vous présente. Et puis on aura d'Italie, Aliente, un groupe qu'on aime bien, de leur album Destinazioni Oblique. C'est le troisième album pour cette formation italienne. Et à vrai, Marc, ben, c'est un peu difficile de dire qu'on ne retourne pas en Italie, mais en même temps, c'est un peu plus compliqué que ça avec cet artiste. Oui, il s'agit de Leo Carnicella. En fait, c'est un Italo-Vénézuélien, mais il est basé en Allemagne. Alors, on aura ici un second extrait de son nouvel album Super Sargasso Sea, avec la pièce The Place Where Lost Minds Go. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec une nouvelle pièce de Galahad. but much brighter than before. In an uncommon sense of peace, complex forms no one can describe with words. Something weird and surreal is. There is no time, but so many things to learn. A new dimension made to heed. Is it just my mind, or perhaps something divine? This place feels like infinity. Beyond all things you may believe, now I'm starting to feel that there is someone watching me. There is not one but many of them, and they are not exactly the same. Some kind of guardians or guides, they have controls over the lights. Thank you. are you? How are you? How are you? How are you? How are you? Again and transcend. Salut, moi c'est Naomi, puis je vous présente mon tout premier album. Découvrez mon album Naomi sur les plateformes d'écoute dès maintenant. L'Anglicane vous offre des spectacles inoubliables dans une salle au cachet unique. musique, humour, théâtre et danse. Profitez d'une programmation riche et variée à quelques pas du traversier. Détails et billets au langlicane.com. Minuit 7. Les histoires sont des créatures sauvages. Quand on les libère, on ne sait jamais ce qu'elles peuvent provoquer. Quand j'aurai terminé mes trois histoires, ce sera à ton tour de m'en raconter une. Et ce sera la vérité. Puis ça va faire quoi si je refuse? Dans ce cas, je te dévorerai vivant. Ok, d'abord. Viens me chercher. Quelques minutes après minuit d'Adam Peck et Sally Cookson, d'après le roman de Patrick Ness, A Monster Calls, une présentation du Conservatoire d'art dramatique de Québec dans une traduction et mise en scène d'Amélie Bergeron, en salle du 11 au 16 octobre. Billets en vente dès maintenant au conservatoire.gouv.qc.ca. L'action ne manque pas au cinéma Le Clap Sainte-Foy et de Loretteville. Surveillez les nouveautés, les classiques et les films québécois. Présentement à l'affiche. Amsterdam, Falcon Lake, Friday the 13th, L'Aigle le crocodile, novembre, Trépiani, Un autre monde et Que le fan soit avec toi. Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! Bonjour, Yves Landry pour L'Intemporel avec la merveilleuse équipe de CKRL. On a déménagé, on est toujours samedi, mais ce n'est plus à 17h, mais bel et bien à 16h. De 16h à 17h, toujours L'Intemporel, avec de l'improvisation, des amis, des invités et toujours ce souci d'être intéressant. L'Intemporel à CKRL. Salut, c'est Thaïs pour vous présenter mon tout premier album, Tout est parfait. Depuis combien de temps je fais semblant? Oh. Découvrez Tout est parfait en magasin et sur les plateformes d'écoute dès maintenant. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. De retour à l'émission Terra Incognita. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation italienne La Batteria, qui est une formation de rock progressif instrumental. Ils ont été fondés à Rome en 2015 et ont deux albums à leur actif. Et on aura ici un extrait de leur premier album, La Batteria, avec la pièce Scénario 2. Vous allez voir, c'est une musique qui est très imagée. Un superbe album instrumental que j'aime beaucoup. On aura également un de mes albums coup de cœur de rock progressif américain de cette année, Bubble Math, et leur nouvel album Turf Ascension. Vraiment excellent. On aura la pièce Refuse. Mais pour débuter, Michel, là, c'est vrai qu'on peut dire qu'on y va entièrement en Italie. Oui, absolument. On parle de Oscillazioni Alchimico Creative, le projet du multi-instrumentiste Jerry Cutillo. Et c'est son plus récent, Lucid Dreaming and the Spectre of Nikola Tesla. Comme d'habitude, bien, Jerry Cutillo touche un peu à tout, clavier, flûte, guitare et chant, mais on a aussi des invités dont Jonathan Joyce, bassiste depuis, qui a été bassiste pendant 12 ans de Jethro Tull, soit de 1995 à 2007, et puis un abonné, David Jackson au saxophone. Et on y va avec la pièce Oscillation Alchemy Creativity. Thank you. street. Rock and crowd curry, that's from Philly, the ever's moved again. Watch your action, shouts a man. You forgot them providence, we prevent USA. We'll be right back. annihilation of all distance in the transmitting of information, in the transport of bodies and materials, and in the transmission of the energy necessary for the existence of man. Modern research has revealed that other worlds are positioned very similar to ours, and that the organic life could develop wherever there is heat, light, and humidity. Such conditions are present in countless planetary bodies. Using fuel to obtain energy is living on our capital, which will eventually run out quickly. The mind is sharper and keener in seclusion and uninterrupted solitude. Originality thrives in seclusion free of outside influences beating upon us to cripple creative minds. Be alone, that is the secret of invention. Be alone, that is when ideas are born. Tesla claims to have picked up signals with a regular cadence from space. He adds that such phenomena would be impossible to produce on Earth. The energy in the sun, a kind of

89.1. Du 13 au 23 octobre, le Festival Québec en toutes lettres présente Les Escales en librairie. Juliana Léveillé-Trudel, Anne-Marie Desmeules, Christine Brouillette, Marc Séguin, Bernard Raymond et Dominique Scali seront de passage dans une librairie près de chez vous. Pour en savoir plus, québecentoutelettres.qc.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation de la Pologne Fren, F-R-E-N. C'est un quartet de rock progressif instrumental et ils viennent tout juste de faire paraître un mini-album qui comporte deux pièces. L'album intitulé Wiosna, qui vient de paraître au mois de septembre. Mais ce soir, on aura plutôt une pièce de leur précédent album intitulé Where Do You Want Ghosts to Reside, qui est paru en 2020 avec l'excellente pièce Surge. Mais pour débuter le bloc musical, Michel, une formation italienne qui a un son bien particulier. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire en ce qui concerne Ingranaggi della Valle, un groupe qui puise, qui s'inspire du prog italien des années 70, mais auquel les musiciens ajoutent une bonne dose là, de jazz rock et de fusion, et le résultat est très intéressant. Malheureusement, c'est pas un groupe très productif, deux albums seulement, Enoch Signo en 2013 et 2016, ça fait déjà 6 ans, donc Warm Space Blue. Dans le cas de Enoch Signo, le groupe a eu la visite spéciale en studio de Mathias Olsson, l'ex-batteur de Anglagard, qui a contribué à une des pièces de l'album. Et en ce qui nous concerne ce soir, ben nous, on écoute un extrait du second album paru en 2016 et qui a pour titre Warm Space Blue. wie eine Ewigkeit scheint, aber doch nur ein Augenblick ist. Das Leib von ihrem neuen Liebsten verliert sich in eine endlose Umarmung, weggerissen von den schwarzen Fluten vom Fluss. Aber du bist unterwegs zu den Baumkronen, geschmückt von Tautropfen. Du kennst das Schicksal, das dich erwartet. Thank you. Eh bien, c'est déjà le temps de se quitter, ou à peu près. Ce soir, on a choisi de piger dans le répertoire d'une formation islandaise qui a pour nom Lucy in Blue. On peut penser un peu à Pink Floyd par moment. On peut dire que les formations islandaises ne courent pas les rues dans le prog. Deux albums à leur actif. Le premier, Lucy in Blue, paru en 2016. Et le second, In Flight, paru en 2019. Et c'est d'ailleurs de cet album, on va écouter les deux premières pièces de cet album, de ce second album. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres et je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.